Les délégués pour la cérémonie consacrée au 70e anniversaire de la Fondation de l'Organisation des Enfants de Corée ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le cimetière des martyrs révolutionnaires du Mondaesung, le musée du mouvement de la jeunesse, le palais des sciences et techniques.